Oui, juste pour rebondir en particulier sur la question service public et aussi sur un certain nombre de points pour dépasser la situation et les constats. Donc je ferai une très courte analyse et des propositions en 6 points. Analyse très courte parce que ce qui nous réunit, c'est évidemment, outre la dénonciation de la loi LRU, de ses décrets, du pacte recherche et de la logique du grand emprunt qui déstabilise considérablement l'enseignement supérieur et la recherche, ça a été dit dans quasiment toutes les séances, et en même temps, partout, on a vu que quand on s'interroge où sont les avantages, c'est une interrogation légitime, on se dit que du côté des enseignants-chercheurs et des chercheurs, rien, du côté des étudiants, rien, ou si peu, et du côté de la société, rien. Donc on est évidemment amené à dénoncer avec force, et ça a été rappelé dans l'intervention liminaire de Michel Barthélémy tout à l'heure, la logique de concurrence, de concentration, d'élitisme d'une certaine manière, et de recul du service public. Mais évidemment, ça, tout ça n'est pas suffisant. Et je crois qu'il nous faut essayer de dessiner, et chacun a plus ou moins essayé de le faire dans ses interventions, dans les séances du séminaire, dessiner des lignes de résistance et des projets dans le cadre inédit d'une société plus lourdement ébranlée par la crise que jamais. Et ça, c'est quand même une donnée qui nous interdit de tout retour en arrière. Et de ce point de vue, les luttes, elles doivent être offensives et solidaires. Solidaires, et je crois que ce qui nous réunit ici, dans les acteurs de ce type de forum, de rencontres, de manifestations, nous croisons un certain nombre de fois, sur la défense des retraites il n'y a pas si longtemps, je crois qu'il nous faut solidifier et élargir et revoir sans doute le périmètre des convergences entre les forces et les individus qui sont les plus lucides sur la cohérence des attaques dans l'enseignement supérieur et la recherche et plus largement dans les services publics. De ce point de vue, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin et que c'est indispensable que des simples juxtapositions de prise de position, voire de forum, voire de site internet, et que ce que j'avais lancé à un moment, c'est il y a un peu plus d'un an, au congrès du SNESUP, où j'ai laissé mes fonctions de secrétaire général, c'est-à-dire aller vers plus de convergence entre le SNESUP et le SNCS, syndicat important de la FSU, mais aussi les collectifs qui se sont exprimé à plusieurs reprises depuis plusieurs années, SLR depuis plus longtemps, SLU aussi, je pense que ça doit nous aider à repenser les termes de l'engagement collectif et en même temps d'être plus efficace. Il me semble que de ce point de vue, le panorama de cette année universitaire est quelque peu décevant, d'autant que de très lourdes échéances s'annoncent et sur lesquels nous sommes attendus d'une certaine manière. Des échéances internes dans un premier temps, à savoir le renouvellement un peu partout des équipes présidentielles dans les directions des établissements d'enseignement supérieur. Le mandat est de 4 ans, on est quasiment partout au-delà de mi-mandat, et il faut construire des équipes en capacité de résister à la logique technicienne des responsabilités et compétences élargies, et de manifester la possibilité de construire d'autres choix, de changer de cap pour les établissements dans un cadre de changement de cap plus général, mais pas nécessairement de manière solidaire, parce que sinon c'est renoncer à tout objectif de peser. L'autre élément aussi important, et on va le voir, et je pense que les campagnes de recrutement actuelles d'enseignants-chercheurs et de chercheurs le montrent, c'est l'importance d'être présent de manière solidaire dans la question de la défense des disciplines et de la défense des statuts, par exemple, y compris dans le cadre modifié des élections dans les futures sections du Conseil national des universités qui s'annonce pour 2011. Et c'est un véritable enjeu de défense des statuts et d'un certain point de vue d'être présent sur la question service public, oui, mais quels acteurs pour le service public? Et ça interpelle aussi la question de l'évaluation, puisque les sections du CNU pour les enseignants-chercheurs ont comme vocation nouvelle outre les qualifications, l'évaluation, ce qui est nouveau, et toujours les promotions. De ce point de vue, je serai court. Je pense qu'il nous faut largement insister sur les menaces, sur le pluralisme scientifique et les disciplines. C'est pour ça que précédemment, j'insistais sur le CNU. Je pense qu'il nous faut casser le discours simpliste, ça a été dit aussi tout à l'heure par Michel Barthélémy, de l'excellence. C'est les discours de Valérie Pécresse permanents, y compris hier quand elle présente le grand emprunt et la façon dont chacun pourrait aller y chercher les moyens de son propre rayonnement. C'est une vision extrêmement simpliste de l'activité scientifique, de l'activité de recherche universitaire, qui soumet l'activité scientifique à la seule logique d'une hiérarchisation, c'est-à-dire c'est totalement contraire au pluralisme scientifique, et c'est de ce point de vue extrêmement inquiétant. Donc de ce point de vue, je crois qu'on a beaucoup à faire, et c'est significatif que cette bataille, d'une certaine manière, même si le terrain revendicatif est quelque peu affaibli, le terrain juridique sur lequel un certain nombre d'organisations comme le SNESUP se sont placées met en avant que les comités de sélection, avec leur logique, je dirais, d'écran de fumée d'une certaine manière, puisque les comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs ne sont que des épouvantails d'une certaine manière, qui abritent les conseils d'administration restreints qui sont les véritables jurys de recrutement, sans représentation disciplinaire, eh bien, cette logique-là des comités de sélection peut être mise en difficulté par les recours qui ont été déposés, et c'est une très bonne chose. Je crois qu'il faut aussi bien voir que entre les aspects disciplinaires, les aspects presse, et avec l'élargissement des presses à tout un tas d'institutions non publiques, en particulier d'écoles de management et bien d'autres écoles privées, c'est l'accroissement de la mainmise d'intérêts privés, pas seulement sur les formations, mais aussi sur le pilotage de champs scientifiques. Je pense par exemple à des champs comme la gestion, extrêmement menacés dans son pluralisme. Et je crois que c'est vraiment des batailles sur lesquelles il faut être attentif et qu'il faut mener. De la même façon, il faut être attentif à la transformation du CNRS, certes éclatée en agence de moyens, en se saisissant effectivement de ce qui est possible aujourd'hui, c'est-à-dire l'investissement dans les conseils scientifiques des instituts, de manière à ce que ce CNRS ne soit pas complètement vidé de son sens. De la même manière, et là ça ira dans le sens de ton appel à s'élargir, je crois qu'il nous faut aussi renouveler l'approche formation, en particulier du niveau L, qui concerne plus d'un million d'étudiants en formation initiale ou en formation continuée. De ce point de vue, l'interpellation à dépasser ce qui est mis en avant comme singularité française, c'est-à-dire le dualisme filière sélective, grandes écoles et monde universitaire, doit nous interpeller. Je pense qu'on ne doit pas laisser le monopole de ce prétendu dépassement au gouvernement et singulièrement à la ministre ou à ceux qui sont autour d'elle. Je pense que la question de l'unification sans uniformisation de l'ensemble des filières post-bac, c'est une vraie question dont on ne peut se dessaisir en s'intéressant seulement aux questions de statut et de recherche. De la même façon, il faut certainement favoriser une mixité sociale, ce que tout le monde dit, mais sans doute aussi générationnelle, tant les nouvelles générations sont bouleversées par la crise, la difficulté à accéder à l'emploi, la difficulté à parcourir les différents obstacles des formations initiales et de la reprise d'études, des stages divers et variés. C'est, il me semble, un enjeu absolument considérable de manière à faire mieux prendre en compte la formation continuée, la formation continue, les reprises d'études dans l'enseignement supérieur public et ne pas laisser le quasi-monopole de ces reprises d'études qui doivent être diplômantes et interpellées, et pas seulement professionnalisantes d'un point de vue extrêmement étroit, à des officines privées. De ce point de vue-là, ça nous invite à travailler la lisibilité des parcours et revoir aussi les modes d'habilitation des formations, tant au niveau national qu'au niveau académique. Il me semble que là aussi, il faut faire obstacle au développement de l'enseignement supérieur privé, qui n'est pas marginal, je piège au Knesset, et on le voit de plus en plus, et c'est absolument inquiétant. Ça a été signalé, par exemple, sur les questions de formation des futurs enseignants du premier et du second degré, la place des officines privées devient de plus en plus importante. De ce point de vue aussi, il nous faut, à mon sens, être légitimement et lucidement à contre-courant de l'idée simpliste que l'entrée dans la vie active passe par la multiplication des stages à tous les niveaux, stages en collège, stages en lycée, stages en première année de L1, de L2, de L3, un peu partout, stages sans contenu pour lequel il n'y a aucun moyen. Et je pense que là aussi, c'est important. Et ça rejoint une autre question où le monde universitaire doit, sans être donneur de leçons, disputer au patronat public et privé, et le faire, je veux dire, d'une manière responsable. Et là, le travail avec les organisations syndicales de salariés est important. La reconnaissance réelle des qualifications et des diplômes requises par les postes de travail. Parce que c'est une question fondamentale aujourd'hui. C'est la question de l'emploi, c'est la question de où mènent les diplômes universitaires, à quoi correspondent les qualifications. De ce point de vue, il nous faut aussi, et je serai court, délibérément s'attacher à redéployer le budget de l'État, en particulier refuser une régionalisation des financements de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui serait absolument terrible pour le pluralisme scientifique, et revoir l'utilisation des sommes prévues pour le grand emprunt, à la fois par des plans pluriannuels de recrutement, par une révision des soutiens financiers aux étudiants, et par un élargissement et un suivi bien plus cohérent des échanges internationaux. On ne peut se satisfaire d'échanges internationaux, certes, où la France est redevenue la première exportatrice d'étudiants, en quelque sorte, dans l'Europe, mais l'intégration des cursus et des étudiants, je crois que nous avons à dire. Enfin, dernier point, il nous faut absolument revitaliser la démocratie et la collégialité. De ce point de vue, il y a beaucoup à dire, et j'ai été interpellé plusieurs fois après mon intervention dans un séminaire ici, sur l'individualisation forcenée à laquelle un certain nombre de présidents d'université, de directeurs de composantes poussent les collègues, avec quasiment une tarification à l'acte d'un certain nombre d'activités, que ce soit le suivi de stage, que ce soit l'encadrement de tel ou tel projet. C'est extrêmement inquiétant parce que ça vide complètement de sens la collégialité. Il me semble que c'est une donnée sur laquelle on ne peut rester aveugle, comme la question de la démocratie dans les instances nouvelles qui se dessinent autour des presses et des instances universitaires. Voilà. Merci Jean. Je pense que tu as fait le tour d'un certain nombre de défis auxquels nous sommes confrontés.